الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمد الله العلي الكبير أكرم الأكرمين الذي أتم علينا نعمه فجعلنا مسلمين موحدين فضلا من الله ونعمه وحبب إلينا العلم والإيمان ويسر لنا سبل الهدى ومجالس الذكر ومن نعمه العظيمة أن يسر لنا دراسة شيء من هذا الكتاب المبارك كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للعلامة المجدد إمام الدعوة والدين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وتجاوزنا ثلث الكتاب ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا دراسته أن نكمله ونكرره إلى أن نلقاه سبحانه وتعالى وهو عنا راض علما وعملا ودعوة وصبرا وإرشادا وبالله التوفيق ومعصي الله سبحانه وتعالى Celui qui nous a comblés de ses nombreux bienfaits, celui qui a parachevé pour nous sa religion, celui qui nous a comblés de par l'islam, de par la foi, celui qui nous a fait aimer le bien. Et parmi les grands bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala sur nous, l'amour des assises de science et l'apprentissage de notre religion. Et parmi ce qu'Allah azza wa jal nous a facilité, et ce par quoi elle nous a comblé, l'étude d'une partie du livre du grand savant Muhammad ibn Abd al-Wahhab ibn Sulayman ibn Ali al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Ce livre qui est Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité, qui est le droit d'Allah sur son serviteur. Nous avons étudié un peu plus du tiers du livre. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, le généreux, de nous aider et de nous assister afin de pouvoir étudier l'ensemble du livre, puis de le recommencer encore et toujours, jusqu'à ce que la mort nous prenne et que nous rencontrions Allah tabaraka wa ta'ala en ayant sa satisfaction. Ce livre, il faut le lire, le comprendre, l'étudier pour le mettre en pratique. Pour le mettre en pratique et concrétiser l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ça n'est pas un livre que nous lisons afin d'augmenter nos connaissances seulement. Mais c'est un livre que nous étudions pour connaître Allah tabaraka wa ta'ala et pouvoir l'adorer d'un culte sincère pour avoir son agrément et entrer au paradis. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala lana jami'an al-jannah wa li aba'ina wa ummahatina. Nous sommes arrivés au chapitre 27. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Donc on reprend après le mois de Ramadan, il y a une pause de quelques semaines. Et nous sommes le 10e jour du mois de Shawwal de l'année 1435 qui correspond au jeudi 7 août de l'année 2014. Babu ma jaa fi at-tatayyur. L'auteur rahimahullah ta'ala dans le chapitre numéro 27 nous dit le chapitre concernant les augures, la superstition. باب ما جاء في التطير أي من الوعيد, c'est-à-dire ce qui a été cité dans les textes concernant l'interdiction de la superstition et de l'augure et la menace qu'encourt celui qui s'adonne à cela. الطيره الطيره التشاؤم بمرء أو مسموع أو معلوم. الطيرة هو التشاؤم بمرء أو مسموع أو معلوم. L'augure, c'est le fait d'avoir de la superstition suite à une chose que nous voyons, nous entendons ou nous connaissons. La personne, suite à la vision d'une chose, se met à détester une chose qu'elle voulait entreprendre ou à douter de la réussite de telle action. À l'exemple d'une personne qui veut voyager vers tel pays. En chemin, il voit un chat noir. Il se dit alors, suite à cette vision, que ce voyage contient un grand mal pour lui. Alors il délaisse ce voyage et retourne chez lui. On appelle ceci, comment est-ce qu'on appelle ceci ? At-tiyara. At-tiyara, l'augure ou la superstition. Allahu a'lam. Ça, c'est un exemple bil-mar'i, une chose que nous voyons. Un exemple bil-masmou', une chose que nous entendons. Par exemple, la personne qui entend un chien aboyer et se dit cela renferme un malheur, cache un malheur. Ou une personne s'apprête à aller demander une femme en mariage. En chemin, il y a un accident devant lui. Alors il se dit, c'est signe de mauvais augure. Cela prouve que cette femme n'est pas un bien pour moi. Ou bien, il voit un corbeau. Alors il se dit, ceci est un mal pour moi. Waha, il entend plutôt maza, les sons d'un corbeau. Aoul ma'alou, aou bi ma'alou, kal ashhur, aoul ayya. Ça peut être aussi par des choses connues comme des jours. Ou bien des mois. Certaines personnes ont de la superstition selon des jours de l'année ou bien des mois de l'année. À l'exemple des Français ou des Koufars, le Maza, le vendredi 13, d'accord ? Ou certains mois, par exemple chez Maza, dans certaines civilisations Maza d'Asie, ils divisent leurs années selon des animaux ou bien des êtres. Bah, chez eux, l'année de la femme est Maza, un moment de malheur, de mauvais présage, et ainsi de suite. Donc celui qui, suite à la vision d'une chose, à la connaissance d'une chose ou à l'écoute d'une chose, se met à voir un mauvais présage ou met en pratique ce qu'on appelle l'augure et la superstition, sera tombé dans ce qu'on appelle at-tiyara. Et dans la plupart des cas, les gens du paganisme de la période anti-islamique faisaient cela avec les oiseaux. D'où l'appellation at-tiyara. On entend le mot, ou bien ce mot comprend at-tayr, qui veut dire oiseau. Ces gens-là avaient beaucoup de superstitions et d'augures par rapport aux oiseaux. Kazajr at-tayr, ils faisaient peur aux oiseaux, puis regardaient la direction qu'ils prenaient. S'ils allaient vers la droite, alors c'était bon signe. S'ils allaient vers la gauche, alors ils délaissaient l'action entreprise, comme un voyage, comme un mariage, comme un travail. Quel est le jugement de At-Tiyara? At-Tiyara, Shirkun Asghar. At-Tiyara, l'augure, entre dans le polythéisme mineur, à la base. Fayunqisu at-tawhid wa kamalahu al-wajib. Donc il diminue le tawhid de la personne, sans l'annuler. Munasabatu al-bab li kitab at-tawhid. Pourquoi est-ce que l'auteur a mis cet intitulé dans son livre Kitab at-tawhid? Lanna at-tiyarata min ash-shirk. Pourquoi est-ce que l'auteur a cité Tiyara dans son livre? Car ça entre dans le polythéisme qui diminue la perfection obligatoire du tawhid. Fadakarahu tahdhiran min. Donc l'auteur l'a cité afin de mettre en garde les musulmans contre cet agissement. Amma munasabatul bab lima qabla. Ba'dan dhakara sihra. Dhakara tiyara. Lianna sihr ما دق ولا طف ما دق ولا طف سببه فكذلك الطيرة أمره أمر خفي وأثرها دقيقة. Donc l'auteur a cité, après nous avoir parlé de la sorcellerie, il nous a cité l'augure, car elles ont en commun, tout comme la sorcellerie a des effets cachés, ben l'augure a un effet caché sur la personne. Aussi, nous avons lu un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de At-Tiyara et nous cite que ça fait partie du Al-Jibt, Al-Sihr. Donc il y a un lien direct entre At-Tiyara et Al-Sihr. C'est pour cela que l'auteur a cité At-Tiyara après nous avoir parlé du Sihr. Et At-Tiyara, l'augure a pour jugement le polythéisme, car cette personne n'a pas rattaché son cœur exclusivement à Allah tabaraka wa ta'ala. Elle a été détournée de ce qu'elle a voulu entreprendre, du fait qu'elle n'a pas rattaché son cœur pleinement à Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, elle a manqué de tawakkul. Elle n'a pas pleinement compté sur Allah subhanahu wa ta'ala. Elle n'a pas pleinement eu confiance en lui. Et finalement, elle a pris en tant que cause une chose qui n'a pas été citée dans les textes, ni a été prouvée. Idhan at-tiyara shirkun asghar li'anna fiha ja'ala ma laysa bi sababin sababa wa at-ta'alluq bima la haqiqata lah وقطع التوكل على الله سبحانه وتعالى فهو إذن شرك أصغر وقوله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. L'auteur a cité deux versets et plusieurs ahadiths. Le premier verset, le verset de sourate Al-A'raf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, donc toujours selon la traduction, en vérité leur sort dépend uniquement d'Allah, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. هذا بعض آيات في سورة الأعراف وأولاها فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يتطيروا بموسى ومن معه. ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. Donc ce qu'a cité ici l'auteur rahimahullahu ta'ala est une partie d'un verset de sourate Al-A'raf. Et au début de ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: et lorsqu'en bien leur viennent, c'est-à-dire des richesses ou la pluie, l'augmentation de la subsistance. Ils disent, ceci nous revient de droit. Ils disent, ceci grâce à nous, bien, nous méritons cela. Les bienfaits nous reviennent de droit. Et lorsqu'ils sont touchés par un mal, comme la diminution de la subsistance, Yatayyaru bi Moussa. Alors à ce moment-là, ils ont un mauvais présage concernant Moussa et ceux qui sont avec lui. Donc ils mettent en pratique ce grave péché qu'est l'augure. C'est-à-dire qu'ils disent que le mal dans lequel nous nous trouvons est à cause de Moussa et de ceux qui l'accompagnent, ceux qui ont cru en lui. Allah subhanahu wa ta'ala a réfuté les paroles du peuple de Pharaon et a secouru son prophète et messager ainsi que ses suiveurs parmi les gens du Tawhid en disant « Ala innama ta'iruhum indallah » أي هذا بقدر الله ما أصابكم من المصائب والقحط من الله سبحانه وتعالى قدرا وهو بسبب ذنوبكم وكفركم. Donc Allah Azza wa Jal les a réfutés en disant, en vérité leur ça dépend uniquement d'Allah. L'augure que vous prétendez en réalité revient au décret d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et la cause de cela, vos péchés, votre mécréance et le fait de ne pas avoir cru en Moussa alayhi salam. Vous avez mécru au signe et au verset d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors il fut décrété sur vous les malheurs. Puis Allah azza wa jal nous dit walakinna aktharahum la ya'lamun. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Ils ne savent pas quoi? أن الخير كل الخير بما جاء به موسى من عند الله سبحانه وتعالى. Ils ne savent pas que le bien, tout le bien, se trouve dans ce avec quoi est venu Moussa عليه السلام de la part d'Allah تبارك وتعالى. المعنى الإجمالي لما أصاب القحط قوم فرعون قالوا هذا بسبب موسى ومن معه. وشؤمهم فرد الله سبحانه وتعالى هذه العقيدة الباطلة بأن ما أصابهم إنما هو بقضاء الله وبسبب كفرهم ووصف أكثرهم بالجهل ولو أنهم عقلوا لعلموا أن موسى ما جاء إلا بالخير والبركة لمن آمن به واتبعه وهكذا أهل الباطل يلبسون على العوام ويوهمون الناس خلاف الواقع. Donc le sens de ce verset, ou ce qu'il faut comprendre de ce verset, est que lorsque le peuple de Pharaon a été touché par la sécheresse et les difficultés, ils se sont retournés contre Moussa et l'ont accusé injustement en disant que le malheur dans lequel nous trouvons est à cause de Moussa et de ses suiveurs. Allah Azza wa Jal a réfuté cette croyance erronée et égarée en disant que la cause de leur malheur est leur péché, leur mécréance. Et il a décrit la majorité d'entre eux par l'ignorance. Et si ils avaient réfléchi et ils avaient su et raisonner de manière correcte, ils auraient su que le bien, la bénédiction, la guidée se trouve dans ce avec quoi est venu Moussa alayhi salam de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala pour celui qui croit en lui. Et c'est ainsi que les gens du faux essayent de tromper la masse en faisant passer le bien pour le mal et le mal pour le bien. مناسبة الآية للباب ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية أن التطير من عمل المشركين وصفات أعداء الرسل وأتباعهم. L'auteur a cité ce verset sous ce chapitre car on y voit que l'augure fait partie des actions des associateurs et des ennemis des prophètes et de leurs suiveurs. إذن أهل التوحيد متصفون بخلاف ذلك. On comprend donc que les gens du tawhid, les gens de la ilaha illallah et les suiveurs des prophètes sont caractérisés par le contraire. C'est-à-dire qu'ils placent pleinement leur confiance en Allah Azza wa Jal et ne s'adonnent pas à l'augure. أما فوائد هذا الحديث هذه الآية التطير من عمل الجاهلية والمشركين إثبات القضاء والقدر والإيمان والإيمان بهما المصائب سببها المعاصي ذم الجهل لأنه يؤدي إلى عدم معرفة الشرك ووسائله. On tire de ce verset plusieurs informations très profitables. Premièrement, l'augure fait partie des actions de la période anti-islamique et des associateurs. On tire également de ce verset l'affirmation du décret et du destin d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'obligation d'y croire. On tire également de ce verset que les malheurs par lesquels nous sommes touchés ne sont que le fruit de nos péchés ou bien ont pour cause les péchés. Il y a dans ce verset une mise en garde contre l'ignorance. On nous montre que l'ignorance est un mal, car ça empêche la personne de connaître le shirk. Et où se trouve le bien? Tout comme cela l'empêche de connaître les causes qui mènent au mal. Voici pour le premier verset. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله قالوا طائركم معكم. Puis l'auteur a cité, rahimahullah, a cité un second verset. Dans Surat Yasin, il dit votre mauvais présage est avec vous-même. Votre mauvais présage est avec vous-même. هذا كأماذا هذا في قصة أهل القرية في قصة ماذا في سورة ياسين. Ceci fait référence à l'histoire des gens de la vallée ou bien des gens de Mada, du village, dans Surat Yasin. Lorsque les prophètes sont venus à eux pour les appeler à l'islam et à la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala d'un culte sincère. قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ تَتِمَّةُ الْآيَةِ أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ. La suite du verset, donc je reprends le début et je finis le verset. Il dit, votre mauvais présage est avec vous-même. Est-ce que c'est ainsi que vous réagissez quand on vous appelle ou quand on vous le rappelle, mais vous êtes plutôt un peuple outrancier? Cette parole est en fait une réfutation à ce qu'ont dit les gens de ce village. Dans le verset précédent, قالوا إنما تطيرنا بكم أو إن قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسنكم منا عذاب أليم. Dans le verset 18, pour mieux comprendre, il vous faut lire le verset 18. Dans lequel on nous dit, ils dirent, les gens de ce peuple, ceux qui ont refusé de suivre les prophètes, ils dirent, nous voyons en vous un mauvais présage. Si vous ne cessez pas, nous vous lapiderons et un douloureux châtiment de notre part vous touchera. Donc voici la réponse des gens de ce village aux prophètes et messagers. Et la réfutation, قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ. Ce mauvais présage en réalité avec vous. إذن تشاءموا بالرسل على أنهم لا يأتون بالخير ولا بالهداية. Donc ils ont vu en la venue des prophètes un mauvais présage, un mal, comme si les prophètes ne venaient pas avec le bien ni la guider. قالوا طائركم معكم أي ما أصابكم من الشر فبسبب كفركم لا بإرسال الرسل. Donc, ils dirent votre mauvais présage avec vous-même, c'est-à-dire à cause de vos péchés, non pas à cause de l'envoi des messagers. فهذه المصائب سببها عصيانكم سببها مخالفتكم للناصحين مخالفتكم للناصحين. Donc la cause de ce mal à vos péchés est le fait de ne pas avoir accepté les conseils. أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ أي أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ تَطَيَّرْتُمْ. Donc, et lorsqu'on vous fait le rappel, ce qui est sous-entendu dans le verset, c'est ainsi que vous réagissez lorsqu'on vous fait le rappel, vous faites l'augure, le mauvais, et vous avez un mauvais présage. بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ. Mais vous êtes plutôt un peuple outrancier. Le sens du al-ma'na al-ijmali fi hadhihi al-aya raddun 'ala mukaththibi ar-rusul. Dans ce verset, il y a un démenti fait à l'égard de ceux qui ont mécru aux messagers. Bayyana Allah subhanahu wa ta'ala anna sabab al-bala kufruhum wa dhunubuhum lar-rusul. Allah dans ce verset a démontré que la cause de leur malheur était leur mécréance et leur péché, non pas les messagers. Munasabat al-ayati lil-bab التطير من فعل المشركين وأعداء الرسل من أئمة السابقين عفوا من الأمم السابقة ليس من شأن أهل التوحيد. Dans ce verset, donc pourquoi est-ce que l'auteur a cité ce verset sous ce chapitre? Dans ce chapitre, car on y voit de manière claire que l'augure fait partie des actions des associateurs, des polythéistes, des ennemis des prophètes et messagers parmi les peuples passés. Cela ne fait pas partie, cela ne fait donc pas partie des actions des peuples passés. Bismillah. Ma yustafad min al-ayah. Ce que nous pouvons tirer de ce verset, at-tatayyur min amal al-mushrikin. المصائب سببها ذنوبنا اللهم اغفر لنا وجوب قبول النصيحة لأن عدم قبول النصيحة من صفات الكفار وأعداء الرسل ما جاء به الرسل خير وبركة لمن تبعهم. On tire de ce verset que l'augure fait partie des actions des associateurs et ennemis des prophètes. On tire également de ce verset que les maux, les malheurs ont pour cause nos péchés. L'obligation d'accepter les conseils. L'obligation d'accepter les conseils. De quel point de vue les savants tirent cela du verset? Car ce peuple, où la plupart des gens de ce peuple n'ont pas accepté le conseil. Allah Azza wa Jal les a réprimandés et a cité ces versets pour les blâmer. On comprend donc que nous devons avoir comme caractéristique le contraire de ces gens. Donc l'acceptation du conseil. Et nombreux sont les gens qui s'enorgueillissent devant le conseil, ou s'énervent, ou font semblant d'accepter le conseil, puis ils vont médire en disant pour qui il se prend, pour qui elle se prend, et moi j'ai, et moi j'ai, et moi j'ai, et c'est grâce à moi, et pourquoi? Alors que là, si la personne te donne un conseil, et qu'il est sur la vérité dans cette question, même s'il est sur le faux dans tout le reste, même si c'est un kafir billahi al-azim, tu as l'obligation d'accepter cela. Et on verra des hadiths clairs sur ce sujet vers la fin du livre, incha'Allah ta'ala. Ça, c'est un bab azim. Al-nasiha, c'est ad-din. Al-nasiha, le conseil sincère, c'est la religion tout entière. إنما الدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة والجملة معرفة الطرفين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حصر الدين في النصيحة، وهو والأمر كذلك لمن فهم الحديث. On tire également de ce verset que les messagers ne viennent qu'avec le bien, la bénédiction, la guidée et le bonheur pour ceux qui ont foi en eux et les suivent. تنبيه لا تناقض بين الآيتين في النفي والإثبات. Une remarque. Sachez qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux versets. Reprenez le premier verset. Dans le premier verset, إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ. Dans le premier verset, on dit que leur augure est auprès d'Allah. Dans le deuxième verset, on dit que leur augure est auprès d'eux-mêmes. Donc c'est comme si on avait affirmé ou on avait réfuté. Dans un verset, on avait affirmé dans le second. Et nous savons très bien qu'il n'y a pas de contradiction dans le Coran. Quand tu prends le livre, petit frère, il faut être déterminé dans la recherche de la science. Parce que tu m'as perturbé. Naam. Aïe. Mada. Donc il n'y a pas de contradiction. Ça c'est une qaïda. Hein? C'est une règle. Il n'y a pas de contradiction dans le Coran. Celui qui pense qu'il y a une contradiction, c'est qu'il n'a pas compris un des deux versets. Ou bien qu'un des deux versets est abrogé. أَفَلَا تَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Ne méditent-ils donc pas le Coran? Et si cela avait été d'un autre qu'Allah, ils y auraient trouvé beaucoup de contradictions. Donc il n'y a pas de contradiction dans le Coran. Comment unir entre les deux versets? Dans le premier verset, fil ayatil oula, annafi ma'na إثبات القدر أي أن هذا بقدر الله سبحانه وتعالى. Donc dans le premier verset, on a réfuté l'augure pour dire que ceci n'a pu avoir lieu qu'avec le décret d'Allah. Ceci n'a pu avoir lieu que par le décret d'Allah سبحانه وتعالى. Dans le deuxième verset, on affirme que le malheur a pour cause leur péché. Donc dans le premier, on parle de la base, Qadarullah. Et dans le deuxième, on parle de la cause, Az-Zunub. C'est clair? Dans le premier, on parle de la base. C'est-à-dire que tout ce qui se passe est par le décret d'Allah. Les prophètes n'ont rien à voir dans cela. Ils ne peuvent pas décider de ce qui se passe dans les cieux et la terre. C'est Allah qui décrète tout. Dans le deuxième verset, on dit que leur présage est auprès d'eux-mêmes. C'est-à-dire que le mal qui les touche a pour cause leur péché. C'est à cause de vous. Voici comment les savants unis entre les deux versets, comme a expliqué Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Et il y a plusieurs versets qui appuient cela dans le Coran. Par exemple, dans Surat al-Rum et dans Surat al-A'raf. Dans Surat al-A'raf, le verset 96, si je ne me trompe pas. Et dans Surat al-Rum, le verset 41, si je ne me trompe pas. قال الله سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Allah Azza wa Jal nous dit, la corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains, c'est-à-dire les péchés, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré. Peut-être reviendront-ils. Donc on comprend de cela que les péchés sont la cause du malheur. Voici pour les deux versets. Puis l'auteur nous a cité le hadith d'Abu Hurayra. An Abi Hurayra radiyallahu anhu, anna ar-rasoul sallallahu alayhi wa sallam qal la adwa wa la tiyara wa la hama ولا صفر أخرجاه Et le Bukhari est muslim. Zada muslim. Wala naw'a wala ghula. هذه زيادة ليست عند مسلم هكذا وإنما أخرج مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة لا نوء ولا سفر وعن جابر لا غول ولا سفر ولعل المؤلف رحمه الله تعالى أخذ هذا أو ظن هذا حديثا من ترجمة البخاري بما رأى في ترجمة باب من صحيح البخاري. Donc une remarque ici, l'auteur رحمه الله تعالى nous dit, d'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi ou bien le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas de contagion, l'adwa, ni d'augure, tiara, ni d'oiseau de mauvais augure, ham, ça ressemble à l'hibou, au hibou. Et le mois de Safar ne porte pas malheur, rapporté par l'imam Bukhari, l'imam Muslim. Muslim a rajouté dans sa version, il n'y a pas d'astre, d'étoile, ni roule, c'est une sorte de djinn qui effraie les voyageurs ou les égare. Vous voyez cet ajout ici. L'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit l'imam Muslim a ajouté, puis nous cite la parole. Sachez que cette parole n'est pas ainsi dans le recueil de l'imam Muslim. Cette parole n'est pas ainsi, textuellement parlant, dans le recueil de l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala. Mais on trouve plutôt dans le recueil de l'imam Muslim, selon Jabir, radiallahu anhu, la roule, on expliquera son sens, inshallah, wa la safar. On trouve également la naw wa la safar. Mais on ne trouve pas ce qui est cité ici, wala naw wala roul. Mais quoi qu'il en soit, ceci a été rejeté dans différents hadiths. C'est juste pour l'étude du livre. La adwa, Allahuna nafiya. Donc ici le la, c'est le la de la négation. La adwa. Al adwa intiqalul marad min sahih min marid ila sahih. Intiqalul marad min marid ila sahih. Al adwa, c'est la contagion. C'est-à-dire qu'une personne malade qui se trouve en contact au contact d'une personne en bonne santé lui transmet la maladie. Le mot contagion est clair, je pense. Na'am. Voici le sens du mot Al-Adwa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith nous dit La Adwa. Il n'y a pas de Adwa. Al-Adwa n'existe pas. Quel est le sens de cette négation? Cette négation a pour but de nier quelle chose? Al-Adwa, la contagion de manière absolue? Ou bien Al-Adwa, Al-Mu'taqada fil jahiliyyah. التي تنتقل أثرها بطبيعتها لا بقدر الله سبحانه وتعالى. Ce qui est voulu dans le hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici nie la contagion qui était affirmée dans la jahiliya, dans la période anti-islamique, c'est-à-dire la contagion qui ne résulte pas du décret d'Allah. Ils avaient comme croyance que certaines maladies pouvait se propager et affecter les gens sans que cela ne relève du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est cela qu'a rejeté le prophète d'Arsène. Et parmi les choses qui nous permettent d'affirmer cela, innama ana naqil an ahli al-ilm, et pour ma part je ne fais que transmettre des gens de science, c'est l'union des différents hadiths. Car on trouve des hadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé l'adwa. Et dans ce hadith, il l'a rejeté. Donc, Ahlu sunna maslakuhum al-jam' bayn al-adilla. Thumma sikhraj ahkamiha. Donc, les gens de la sunna ne font pas comme les gens de l'innovation. Ils ne prennent pas que ce qui les arrange. Mais ils unissent entre les différents hadiths qui sont acceptés, puis en tirent les règles et les jugements. Dans d'autres hadiths, par exemple dans le hadith عند مسلم, on trouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit la yuradu mumridun ala musih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit de ne pas faire entrer celui qui est en bonne santé ou bien celui qui est malade auprès de celui qui est en bonne santé. D'accord? Dans un autre hadith, dans le recueil de l'imam Bukhari, l'imam de Muslim, un bédouin a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on trouve par moments des chameaux forts et en bonne santé. Puis, il y en a un qui tombe malade et il contamine l'ensemble du troupeau. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَمَنْ أَعْدَ الْأَوَّلِ. Et qui est-ce qui a contaminé le premier? Il a utilisé le mot adwa. D'accord? Qui est-ce qui a contaminé le premier? Que veut dire ce hadith? Donc tu vois qu'une maladie s'est propagée. D'accord? Le deuxième, le troisième, le quatrième, ainsi de suite. Ont été touchés par quelle cause? Le premier. Par moment, il y a une maladie, tu ignores les causes. Par moment, tu connais les causes. Sahih. Lorsque le bédouin a dit cela, le prophète sallam lui a voulu lui faire comprendre que tout comme le deuxième et les autres, ils ont été touchés par la cause du premier, mais cela par la permission d'Allah et son décret. Tout comme le premier. Sahih. Le premier a contaminé les autres. Comment est-ce que le premier est tombé malade? Biqadarillah, par le décret d'Allah. Ben de la même façon que le premier est tombé malade, biqadarillah, de la même façon cette maladie se propage et touche certains, biqadarillah. Est-ce que c'est compris? Donc, al-adwa existe. Les maladies contagieuses existent. D'accord? Que ce soit la maladie au sens propre, comme on peut Amaza le comprendre. Il y a quoi comme maladie, par exemple contagieuse? La varicelle. Naam. De la même façon, su'ul khuluq, le mauvais comportement. Al-hizbiyya, al-bida', hein? Le sectarisme, les innovations, c'est des maladies contagieuses. Sahih alala. Hein? Je pourrais citer des preuves et des listes de personnes. Un tel a été contaminé par un tel, et un tel avait été contaminé auparavant par un tel, et un tel, un tel. Est-ce qu'ils ont tous touché al-shaytan, al-la'in? As'al Allah subhanahu wa ta'ala yahdi adhall al-muslimin. Je trouve un frère à la sunna, à l'al-jadda. Hein? Je trouve un frère, il est à la sunna, yuhibbu al-tawhid wa ahla, yuhibbu sunna wa ahla, wa yubghidu shirka wa ahla, wa yubghidu ahla al-bida' wa ahla, wa ahlaha. Donc tu vois la personne droite sur la sunna, il aime le tawhid et ses partisans, il aime la sunna et ses partisans. Puis tu le vois fréquenter telle autre personne, parmi les gens douteux ou de l'innovation. Et petit à petit, tu vois cette personne qui tombe malade. Hein? Qui tombe malade. Petit à petit, jusqu'à ce qu'il déteste le bien et les gens du bien. Et qu'il commence à reconnaître ce qu'il détestait auparavant. Et à défendre ce qu'il critiquait auparavant. Sahih? Hadi hiya al-adwa. Voici la maladie contagieuse par excellence. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et personne ne doit se sentir à l'abri et dire moi je suis fort, non mais moi je vais le conseiller, non mais moi kada. Certains frères se sont mariés avec des femmes de Ahlul Bida'a et sont tombés dans le Bida'a. Une femme l'a fait tomber dans le Bida'a. Comment des fréquentations parmi les hommes, parmi des gens peut-être qu'ils ont étudié, ne vont pas l'affecter? Alors que lui, qawwamun alayha, alors que lui a autorité sur elle, soi-disant. Naam. Donc il ne faut pas te sentir à l'abri de ces maladies contagieuses. Si quelqu'un qui a des chouvouhat, ou qui est dans l'innovation, ou bien, vient pour te parler, mais viens, on discute, m'arrête d'écouter les ulama, t'as un aql, t'as la raison, viens, écoute-moi ce que Aja a dit, ainsi de suite. Ça, c'est le début de la fin. D'accord? Ça, c'est le début de la fin. Il veut te couper de la vérité sur laquelle tu es. D'accord? Comment ça qu'il arrête d'écouter les ulama? Je n'ai connu le tawhid wa sunnah que par la grâce d'Allah Azza wa Jal, puis بسبب أهل العلم. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ Mais ces gens-là veulent te séparer d'avec les savants de Ahl Sunnah pour mieux te tirer vers Ahl al-Bid'ah. قاتلهم الله. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit وَلَا طِيَرَ طِيَرَ لَا حَقِيقَةَ لَهُ. Il nous dit il n'y a pas de but. C'est une chose fausse qui n'a pas d'effet réel. Le fait de passer sous une échelle ou de voir un chat noir ou d'être dans le vendredi 13 ou. Quel effet concret ça a? Ça n'a aucun effet. Si ce n'est dans l'esprit malade de la personne qui pratique l'augure. Donc l'augure n'a pas d'effet concret. Walahama. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit walahama. Alhama hayawan yushbihu al-buma. Alhama, c'est le hibou ou bien un animal qui ressemble au hibou. Wa kanu yatasha'amuna biha. Et dans la jahiliya, cet oiseau pour eux portait malheur. C'est un oiseau de mauvaise augure. Et ils avaient comme croyance que si cet animal venait auprès de la personne, c'était un signe que sa fin était proche, qu'il allait bientôt mourir. Ça c'est tiara. Il a vu une chose, il a pensé du mal. Naam, c'est tiara. Ou bien sababun fi husuli makruh. Ou bien il disait que c'est la cause, ça apporte ou ça annonce un mal à venir. Ça annonce un mal à venir. Le prophète sallam a réfuté cette croyance erronée. D'autres parmi les savants ont expliqué cela en disant qu'ils avaient comme croyance que la personne qui est tuée, Mada, sur ce point-là, il faudra revérifier de manière plus précise, mais c'est que la personne qui est tuée injustement, il y a un hibou qui vient pour prendre sa forme, et tant qu'on ne lui rend pas son haq, le hibou restera auprès de cette tombe. Une parole semblable, il vous faudra revérifier le sens exact. Faites-moi penser à cela. Voilà safar. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il n'y a pas de safar avec un sad. Pas as-safar avec un sin. Quelle est la différence entre as-safar ou safar et safar? Hein? Naam, jazakallah khairan. Avec as-sin, c'est le voyage. Avec as-sin, cela signifie un voyage. Alors que là, c'est avec un sad. عند al-Bukhari, جاء ماذا أن صفر أن نعم صفر هنا في هذا الحديث داء يصيب البطن. Dans le recueil de l'imam al-Bukhari, il nous cite que c'est une maladie, on nous cite que c'est une maladie qui touche le ventre. D'accord. Ils avaient comme croyance qu'elle se propageait de par sa nature, pas par le décret d'Allah Azza wa Jal. Donc si on retient que cela est le sens, safar entre dans quoi? At-tiyara. Donc on a c'est la généralité puis une particularité. Waqil huwa shahrul ma'ruf. Certains parmi les savants ont dit il s'agit du mois connu, du mois lunaire. D'accord? Ils avaient comme croyance que c'est un mois qui portait malheur. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit wala naw. Ah, voilà, Naou. Il n'y a pas d'étoile d'astre. On ne détaille pas ce point car il y a un chapitre entier sur cela à venir. Inch'Allah ta'ala. Voilà, Roul. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïb, donc. Avant, wala roul, c'est le hadith d'Abu Huraira. عند مسلم أو عند البخاري ومسلم. في الأوتار نودي زاد مسلم ولا نوء ولا غول. طيب donc pour النوء ça rentre dans un autre hadith et pour غول ou bien غول ça rentre dans un autre hadith. غول جمع غولة وهو جنس من الجن والشياطين قال آخرون سحرة الشياطين. الغول c'est une sorte de diable, de démon, ou bien les sorciers parmi les démons. Et ils avaient comme croyance que ces derniers égaraient les voyageurs et pouvaient leur causer la mort ou bien de grands dangers. Vous avez compris ? Ce sont des shayatins qui s'attaquent aux voyageurs et ont le pouvoir de les égarer ou de leur causer du mal. Voici la croyance qu'ils avaient. Donc sans aucun doute, les shayatins, les djinns et ainsi de suite existent. Mais est-ce qu'ils ont le pouvoir d'égarer, indépendamment de la volonté d'Allah Azza wa Jal, qu'ils souhaitent ? Non. Kullu shayin bi qadarillah. Toute chose n'a lieu qu'avec le décret d'Allah tabaraka wa ta'ala. المعنى الإجمالي donc le sens de ce hadith. نفى النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تعتقد أهل الجاهلية من الباطل كالتشاؤم بالطيور أو الطيرة وماذا نسبة الأمور إلى النوء أو إلى الأنواء أو إضرار الشياطين بالإنس بغير قدر الله سبحانه وتعالى. فالواجب علينا إذن التوكل على الله رب العالمين وترك الخرافات. Donc ici le prophète a réfuté plusieurs croyances que les gens avaient dans la période anti-islamique, comme le fait que des maladies peuvent être contagieuses indépendamment de la bonté d'Allah et qu'elles peuvent se propager sans qu'Allah ne le décrète. Il a également réfuté l'augure, les oiseaux qui porteraient malheur, les maladies qui pourraient, la maladie du ventre qui pourrait se propager d'elle-même sans le décret d'Allah, ou bien que le mois de Safar pourrait porter malheur. Il a aussi réfuté que les étoiles pouvaient avoir un effet sur ce qui se passe dans la création d'Allah tabaraka wa ta'ala, tout comme il a réfuté la mauvaise croyance concernant les djinns et les shayatins, comme quoi ils auraient le pouvoir d'égarer les voyageurs et de leur nuire sans la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ma munasabatu al-hadith al-bab, l'auteur a cité ce hadith sous ce chapitre. Lianna fihi ibtal at-tiyara wa anna i'tiqadun jahili. L'auteur a cité ce hadith dans ce chapitre car on y voit que l'augure est une chose caduque, fausse, et qu'elle fait partie de la croyance des polythéistes et des personnes de du paganisme, de la période anti-islamique. ما يستفاد من الحديث إبطال الطيارة إبطال اعتقاد الجاهلية بأن الأمراض تعدي بنفسها أو بطبيعتها لا بقدر الله. Donc dans ce hadith, on tire que rien ne peut avoir lieu sans le décret et la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. On voit que tiyara est une chose fausse et que les maladies ne peuvent se propager si ce n'est par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. On y voit l'obligation de compter pleinement sur Allah tabaraka wa ta'ala et d'avoir confiance en lui. Et que parmi les qualités de ceux qui ont parfait at-tawhid, le fait de s'éloigner des causes qui peuvent faire tomber dans le shirk. Le hadith suivant, وَلَهُمَا عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةٌ وَيُعْجِبُنِي الْفَأَلُ قَالُوا وَمَا الْفَأَلُ قَالَ الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ. Al-Bukhari et Muslim rapportent d'après Anas que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: point de contagion ni d'augure. En revanche, l'optimisme me plaît. En revanche, l'optimisme me plaît. Les compagnons dirent, qu'est-ce que l'optimiste ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, c'est la bonne parole. C'est la bonne parole que la personne entend. Al-fa'al, c'est l'optimisme qui se développe dans le cœur de la personne suite à une bonne parole qu'il entend. D'accord ? لأن في هذا إدخال السرور في النفس وانشراح الصدر وحسن الظن بالله وهذا مطلوب شرعي. Pourquoi ceci est bien ? Car lorsque la personne entend une bonne parole et qu'elle espère du bien, ça développe encore plus son espoir et ça tranquillise encore plus sa poitrine. Non pas que cette parole va le faire agir alors qu'il n'allait pas agir sans cela. Non. Mais il a un projet et il espère une chose. C'est alors qu'il entend une bonne parole, un rapport avec sa démarche. Alors ça lui ajoute une bonne pensée d'Allah, qu'il avait déjà, et ça lui ajoute de l'optimisme. Et il pense encore mieux, il a encore une meilleure opinion plutôt d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ceci est demandé dans la religion. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'est une bonne chose. Par exemple, pour que ce soit plus clair. Maza. Une personne est dans le malheur. Elle se repent car on lui explique que si elle veut être heureuse, elle doit se repentir. Elle se repent. Elle commence à goûter à ce bonheur. Puis elle entend « Ya Saïd ». Puis elle entend quelqu'un appeler un frère qui se nomme Saïd. Et Saïd, ça veut dire « heureux ». Donc il entend Saïd au moment où il se dirige vers Allah à la recherche du bonheur. Il entend Ya Saïd. Donc en entendant cela, ça développe encore plus sa bonne opinion d'Allah Azza wa Jal et il espère encore plus le bonheur. Ou bien, il fait du'a et espère la guérison. Il est alité à l'hôpital et il entend une parole semblable. D'accord ? Où il y a l'espoir, où il y a la guérison. Voilà. Donc ce genre de paroles qui peuvent apporter du bien, la sérénité et ce genre de choses dans le cœur de la personne. Ce qu'on appelle al-fa'al, l'optimisme. Munasabatul hadith il-bab al-fa'al ulaysa min at-tiyara. L'auteur a cité ce hadith pour montrer que al-fa'al, l'optimisme n'est pas de l'augure. C'est différent de l'augure, car l'optimisme développe ta bonne opinion d'Allah. L'optimisme t'aide à avancer. L'optimisme allège, ou plutôt détend ta poitrine, élargit ta poitrine. Alors que At-Tiyara fait tout le contraire. At-Tiyara, su'udhan billah, c'est une mauvaise opinion d'Allah. At-Tiyara te fait délaisser ton action et te resserre la poitrine. On tire de ce hadith al-jam'u bayna at-targhib wa at-tarhib. Parmi ce qu'on peut ajouter comme fawa'id, dans la da'wa, tu unis entre la crainte et l'espoir, les textes qui appellent à craindre Allah Azza wa Jal et s'éloigner de sa colère et sa menace, et les textes qui appellent à espérer son pardon et sa miséricorde. Et le Coran est un ensemble de cela. Targhib ou at-tarhib. Il y a des versets sur at-tarhib, il y a des versets sur at-tarhib. Ne serait-ce que dans le Fatiha. Ne serait-ce que dans al-Fatiha. Ar-Rahman ar-Rahim, il y a at-tarhib. Malik yawm al-din, il y a at-tarhib. Ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-ladhina an'amta alayhim, il y a at-tarhib. غير المغضوب عليهم ولا الضالين il y a at-tarhib. Ensuite alif lam mim, on parle des croyants, at-tarhib, puis des kuffar et des munafiqun, at-tarhib, et ainsi de suite, tout le Coran. D'accord. Et c'est pour cela que les savants ont beaucoup écrit dans cela, à l'image de al-hafiz al-munziri qui a écrit sahih at-targhib wa at-tarhib. Il y a un tahqiq de l'imam al-albani rahimahullah Ta'ala, c'est un excellent livre. Et pour vous dire que Mada Ad-Da'i, le prêcheur, doit unir entre ces deux choses-là lorsqu'il appelle les gens, afin qu'ils ne désespèrent pas de la miséricorde d'Allah, mais qu'ils ne sentent pas non plus à l'abri du châtiment d'Allah. Et dans beaucoup de khutab qu'Allah Azza wa Jal m'a permis, j'ai pris de ce livre, At-Targhib wa At-Tarhib, Rahimahumullah, Ani Al-Albani wa Qabla Al-Munziri. On tire également de ce hadith, Husn al-Ta'lim, Ani que le prophète sallam était le meilleur des enseignants. Il nous met en garde contre l'augure et contre le fait d'avoir comme croyance que la maladie peut se propager d'elle-même sans la permission d'Allah. Puis il nous dirige vers une bonne chose. Ben, le prêcheur doit se comporter ainsi. Tu interdis aux gens la musique, car Allah l'a interdit dans le Coran, dans Surat Luqman par exemple, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit dans la Sunna. Puis tu leur dis, écoutez le Coran. Mafhoum, tu ne laisses pas comme ça, mais tu viens avec une meilleure chose. Tu lui interdis le vol, la vente de la drogue. Tu lui interdis ces choses-là, puis tu l'appelles au commerce. Tu l'appelles au travail. Et ainsi de suite. Puis l'auteur, rahimahullahu ta'ala, nous dit, « Wali Abi Daoud, bi sanadin sahih, an Uqbata ibn Amir, radiyallahu anhu, قال ذكرت الطيارة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. أبو داود رحمه الله rapporte selon une chaîne de transmission authentique, d'après Uqba ibn Amir. C'est ainsi que l'auteur a dit Uqba, mais en réalité c'est Urwa. Donc vous mettez une annotation. Donc l'auteur a dit que c'est Uqba, mais en réalité c'est Urwa. Il s'est trompé sur cela, rahimahullahu ta'ala. Et il n'y a rien d'étonnant, rien de choquant dans cela. C'est-à-dire que le savant, quelle que soit l'élévation qu'Allah lui a accordée dans la science, la piété, la prédication, il n'en reste pas moins un humain sujet à l'erreur. Et il n'y a aucun manque de respect dans cela. Et il n'y a aucun manque de respect dans cela. Et il ne faut pas tomber dans l'exagération comme certains, parmi les gens d'Ahlul Bid'ah, ou ceux qui sont éloignés de la Sunna dans ce chapitre, en pensant que lorsque tu dis que ceci est une faute, car les savants ont dit que c'était une faute, il y a un manque de respect, non. Et de l'autre côté, il ne faut pas tomber non plus, c'est-à-dire de parler des savants comme si tu parlais mada d'une personne méprisable. Hein, tu trouves des jeunes ou des personnes de la masse ou des petits étudiants qui parlent des savants d'une manière moins respectueuse qu'il parlerait de son ami ignorant. D'accord ? Donc il faut être dans le juste milieu. Et un frère m'a rapporté une histoire avec Hussein Al-Shir, un des imams de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a fait passer un examen, d'accord, à une personne de science. C'est alors que celui-ci parle de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et il dit Al-Allama, le grand savant. Et il dit beaucoup d'éloges. Je ne me souviens plus les termes de l'histoire. Et il cite beaucoup d'éloges. Hussein Al-Shir, Cheikh Hussein Al-Shir, Hafidhahullah Ta'ala, l'a stoppé et l'a réprimandé sévèrement. Alors que Hussein al-Sheikh fait partie de la descendance de qui? Hein? De Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab. Al-Sheikh, la famille de al-Sheikh, sont les descendants de Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala. D'accord? Tout comme la famille royale, wafaqahumullah, sont les descendants de la famille de al-Saoud. Tayyib. Il l'a réprimandé. Et il lui a dit, c'est du relou, c'est de l'exagération. Est-ce que tu parles d'un prophète? Est-ce que tu parles d'un messager? Donc chaque chose à sa place, tu as exagéré à son égard. Et je suis celui qui a le plus de droits sur lui. C'est-à-dire que je suis parmi ses, je fais partie de ses petits-enfants. Malgré ça, je te dis que tu as exagéré à son égard. Puis il a cité une mas'ala et a dit, c'est une faute. Il faut dire que c'est une faute. D'accord? En parlant de Sahib al-Taysir, si mes souvenirs sont bons, du petit-fils de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala. Donc j'ai utilisé cela pour ce rappel. À la base, je n'avais pas l'intention de citer cela, je l'ai cité volontairement. Donc, vous saurez que, au lieu de Uqba, c'est Urwa. اختلف أهل العلم في صحة الحديث. Les savants ont divergé quant à l'authenticité du hadith. Certains ont dit qu'il était mursal. Ce n'est pas un sahabi qui a cité ce hadith. Mais plutôt un tabi'i qui a dit le prophète sallam a dit. D'autres ont dit non, c'est un sahabi. Et parmi ceux qui ont dit non, c'est un sahabi, ils ont dit qu'il y a des faiblesses dans la chaîne de transmission, quoi qu'il en soit, donc il est daïf. D'accord. L'annaou min riwayat Hussein ibn Abi Thabit an Urwa, wa huwa mudallis kathir al-tadlis. Le meilleur des augures. Les augures furent cités en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit le meilleur des augures est l'optimisme. Et l'augure ne dissuade pas un musulman, c'est-à-dire de mener son projet à bien. Et lorsque l'un d'entre vous voit une chose qu'il déteste, qu'il dise « Oh Allah, personne n'apporte les bonnes choses si ce n'est que toi, et nul ne repousse les mauvaises choses si ce n'est que toi. Il n'y a de pouvoir et de force que par toi. » Le fait de traduire haoul par pouvoir, fi nazar, ça se discute. Al haoul ou al intiqal min hal ila hal. Al haoul, c'est le fait de passer d'un état à un autre. Donc je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est traduit par pouvoir. Ça, c'est dû à mon manque d'éloquence dans la langue française, à mon manque de culture, ou peut-être qu'il faudrait trouver notre traduction Allahu a'lam. Donc vous saurez que al-hawl c'est l'intiqal min hal ila hal. Al-hawl c'est le fait de passer d'un état à un autre. Donc en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a cité l'augure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ahsanuha al-fa'l, le meilleur des augures est l'optimisme. Donc dans le hadith précédent, l'auteur a cité un hadith qui nous fait montrer que le fa'al n'est pas at-tiyara, n'entre pas dans l'augure. Et ici, on nous dit que le meilleur des augures est al-fa'al. Quel est le sens donc de ce hadith? En réalité, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ressembler al-fa'al à l'augure, hein, dans le fait que ça encourage ou non la personne, c'est-à-dire dans l'effet caché. La ressemblance, elle est dans l'effet caché. Tout comme être tiara, c'est le fait d'être affecté par une chose qu'on voit, qu'on entend, qu'on sait. De la même façon, elle fait elle. Ben, la meilleure chose qui affecte la personne, c'est quoi? C'est elle fait elle. C'est ça le sens du hadith. Wadih? Être tiara, c'est le fait d'être affecté par une parole, une chose qu'on entend, une chose que l'on voit. Ben, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, la meilleure chose qui affecte la personne, c'est elle fait elle. C'est la bonne parole qu'il entend. Car ceci le pousse dans le bien, l'encourage dans le bien, le raffermit sur le bien, sur lequel il se trouve déjà. إذن وجه الشبه بين الطيارة والفعل التأثير بشيء. من حيث الإقدام أو التوقف. فالفعل يزيد الإنسان نشاطا على ما هو عليه، عفوا، وحسن ظن بالله عز وجل. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ensuite: et l'augure ne dissuade pas un musulman. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne Babit at-tatayyur. At-tatayyur. Quand est-ce que la personne sera tombée dans l'augure? Si ça l'empêche de mener à bien son projet. Il voit une chose, il entend une chose qui n'a pas d'effet réel. Puis il délaisse ce qu'il voulait entreprendre. Il est tombé dans le shirk. Il est tombé dans at-tiyara ou at-tatayyur. C'est pour cela que le prophète m'a dit, le musulman, lui, cette chose qu'il a vue ne l'empêche pas. Pourquoi? Parce que le musulman mutawakkil ala Allah. Car le musulman place sa confiance en Allah tabaraka wa ta'ala. Et dans le recueil d'Imam Muslim, le hadith de Muawiyah ibn al-Hakam, il a dit au Prophète sallam, parmi nous, minna man yatatayyar, parmi nous, il y a des gens qui ont de l'augure. Alors le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, fadhalika shay'un yajiduhu ahadukum fi nafsi, fala yasuddannakum. Le Prophète sallam a dit, c'est une chose que tout le monde peut ressentir en lui. D'accord? C'est-à-dire, tu as vu une chose, tu as entendu une chose qui peut te perturber. Hein? Et Shaitan peut à travers cela essayer de te décourager, ou t'affaiblir, ou de donner le waswas. Le prophète a dit que cela n'empêche aucun d'entre vous de mener son projet à bien. Donc c'est le comportement du musulman. Du moins celui qu'il convient d'avoir. Puis, il nous dit, et si l'un d'entre vous, ou lorsque l'un d'entre vous voit une chose qu'il déteste, qu'il dise, اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت. اللهم ça veut dire يا الله. اللهم ça veut dire يا الله. Oh Allah. Personne n'apporte les bonnes choses si ce n'est que toi. Et nul ne repousse les mauvaises choses si ce n'est que toi. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحول هو الانتقال من حال إلى حال. Al-Hawl, c'est le fait de passer d'un état à un autre. C'est pour cela que lorsque tu entends Hayya ala salah, Hayya ala al-Falah, après avoir répété ce que disait le Muadzin, à ce moment-là, tu diras quoi? La hawla wa la quwwata illa billah. Pourquoi? Parce que tu veux passer d'un état à un autre. Alors tu vas chercher l'aide auprès d'Allah Azza wa Jalla en disant, il n'y a personne qui puisse me faire passer d'un état à un autre, d'être chez moi, à la mosquée, au marché, à la mosquée, et ainsi de suite. La hawla wa la quwwa, qui a le pouvoir de faire cela. Donc on ne passe d'un état à un autre et on ne trouve le pouvoir de le faire illa billah, illa bik. C'est ça le sens de la hawla wa la quwwata illa billah. C'est compris? Que signifie la hawla wa la quwwata illa billah? Ça signifie personne ne peut passer d'un état à un autre et avoir le pouvoir de le faire si ce n'est avec l'aide d'Allah ou par la cause d'Allah. Elba fi illa billah ba al-isti'ana ou al-sababiyya. Donc on comprend quoi? Qu'on repousse l'augure avec al-tawakkul ala Allah. Avec al-tawakkul ala Allah. Munasabatul hadith lil-bab. Quel est le lien entre ce hadith et le chapitre? L'auteur a cité ce chapitre. Pardon, l'auteur a cité ce hadith sous ce chapitre. Car فيه إبطال الطيارة وبيان ما تدفع به. On voit dans ce hadith que الطيارة est une chose fausse qui n'a pas de réalité. Et on nous enseigne comment le repousser avec التوكل, avec الدعاء, pour ceux qui, avec cette dua, pour ceux qui ont jugé ce hadith comme étant acceptable. فوائد الحديث إبطال الطيارة وأنها تدفع بالدعاء. On tire de ce hadith que الطيارة, c'est une chose fausse qui n'a pas de réalité et qu'on repousse cela avec ad-du'a, en plaçant sa confiance en Allah. Ce qui touche le cœur mais qui ne reste pas et repoussé n'affecte pas le musulman. Wujubu at-tawakkul 'ala Allah, l'obligation de placer sa confiance en Allah. Vous voulez qu'on finisse? Ou bien vous êtes fatigué? Hein? Vous n'avez pas réagi, je suppose que vous êtes fatigué. Oui. Juste prendre un hadith. En plus. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا الطيرة شرك الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود رضي الله عنه. ابن مسعود attribue cette parole au prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'augure est du polythéisme. L'augure est du polythéisme. Il n'y a pas un parmi nous, c'est-à-dire qu'il n'en soit épargné. Mais Allah le fait partir par la confiance que l'on place en lui. Rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi, ce dernier l'a qualifié en attribuant la dernière phrase à Ibn Mas'ud. At-tiyaratu shirk. Donc, avant cela, sachez que les savants ont divergé quant à l'authenticité de ce hadith. Deuxièmement, la fin. À partir de Walakin Allah, cette parole-là est mudraja. C'est-à-dire que c'est la parole, c'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la parole d'Ibn Mas'ud. Donc si quelqu'un dit une parole en citant un hadith, puis il cite un bout de sa parole à lui, donc un bout de la parole sera de sa parole à lui. Sans dire, sans spécifier cela, on appelle ça mudraj. Je ne sais pas si c'est clair. Quoi qu'il en soit, il a cité un hadith, c'est la parole du prophète sallam. Mais dans cela, il y a une parole qui n'est pas celle du prophète sallam, mais la sienne, c'est la fin du hadith. Donc la plupart des savants ont eu cet avis, que la fin est la parole d'Ibn Mas'ud, walakin Allah yudhibu bit tawakkul. Donc les savants ont divergé sur l'authenticité de ce hadith. Le shir de l'imam al-Bukhari, Sulayman ibn Harb رحمه الله تعالى الحافظ ابن حجر البيهقي المنذري et d'autres ont dit que la fin est la parole d'Ibn Mas'ud, contrairement à d'autres parmi les saints. الطيارات شرك. L'imam al-Albani رحمه الله تعالى nous dit que cette partie est bonne ou authentique. Il y a trois situations, d'accord? Il y a trois situations. Premièrement, يتطير المرء بشيء وهذا المرء أو المسموع أو المعلوم يسد ماذا يعني يرد عن قصده كالسفر أو التجارة. La première situation, un homme qui est touché par l'augure au point où ça l'empêche de faire ce qu'il a voulu entreprendre à la base. Celui-ci est tombé dans quoi? Quel est le jugement de cette action? Shirkun Asrar. Pourquoi? Car il a utilisé en cause une chose qui n'était pas une cause. Et car il a rattaché son cœur à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala dans cette chose. Idhan, idha bana ala hadha shay iqdam إقداما أو نكوسا فعلا أو تركا فقد وقع في الشرك الأصغر. Le deuxième cas, أصيب بهذا إلا أنه لم يترك العمل يعني قصده. La deuxième situation, c'est qu'une chose touche son cœur, mais il ne délaisse pas pour autant ce qu'il a voulu entreprendre, mais quand même il a une chose dans son cœur. Ça, c'est une chose blâmable. Pourquoi? Car il a eu un peu de sous-dhan billah. Il a eu un minimum de mauvaise opinion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et il n'a pas compté pleinement sur Allah subhanahu wa ta'ala. Également, il a laissé shaitan rentrer. Mais c'est moins grave. Le troisième cas, un yakuna aridan. Ce troisième cas, ça passe. Yani, ça vient dans son cœur, mais ça part aussitôt. Il n'en tient pas compte. هذا لا يضره ceci ne lui porte pas préjudice. Donc l'auteur a cité ce hadith car on y voit de manière explicite que Al-Qiyara a pour jugement Al-Shirku Billah A'adana Allahu Ayyakum Min Al-Shirk. Al-Tiyara, c'est du shirk asghar à la base. Mais sachez que ça peut même arriver au niveau du shirk akbar. Dans le cas où la personne ne prend pas cela en tant que cause, que fausse cause. Mais carrément, elle dit que cela, yani, comment dire ça, yani istiqlalan, yani sans Allah Azza wa Jal, sans son décret, cela a pour effet, par exemple, de donner la mort, ou bien d'apporter le bien ou d'apporter le mal. Car à ce moment-là, elle n'aura pas pris ce qu'elle a vu, entendu ou su comme cause, mais comme créateur en dehors d'Allah Azza wa Jal, comme gérant en dehors d'Allah Azza wa Jal. Donc, comme mudabbir, comme khaliq en dehors d'Allah Azza wa Jal, à ce moment-là, elle sera tombée dans le shirk akbar. Dans quelle forme? Dans al-rububiyya, dans la seigneurie. Puis l'auteur dit, ولأحمد من حديث ابن عمرو من ردته الطيرة عن حاجة فقد أشرك. قال وما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. Ahmed, rahimahullah, rapporte d'après Ibn Amr que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui que l'augure détourne de ce qu'il veut faire a commis un acte de politisme. Ils ont dit, c'est-à-dire les compagnons, comment expier cela? Il a répondu: c'est de dire, ô Allah, point de bien si ce n'est le tien, et point d'augure que ce que tu destines, et point de divinité digne d'être adoré, si ce n'est toi. Donc encore ici, l'auteur nous cite un hadith pour nous faire montrer quand est-ce que l'augure entre dans le shirk. Quand est-ce que la chose qui touche la personne entre dans le shirk. C'est dans le cas où elle le fait, elle lui fait délaisser ce qu'il voulait entreprendre. Pourquoi est-ce que c'est du shirk? Car il n'a pas été pleinement sincère dans at-tawakkul. Donc, An ibn Amr, huwa Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiallahu anhuma. Le sahabi se nomme Abdullah ibn Amr ibn al-As. C'est un sahabi ainsi que son père. Il fait partie des premiers convertis à l'islam et de ceux qui ont rapporté le plus de hadiths. إذن في هذا الحديث ضابط الطيارة الشركية أن ترد الإنسان عن حاجته. Donc de ce hadith on voit quoi? Quand est-ce que ça entre dans le shirk? Quand est-ce que la personne tombe dans le shirk? Au moment où elle change ses projets suite à cette fausse cause. Certains savants disent que ce hadith était faible car il y avait Ibn Lahia. Et le sens de la dua Allahumma la khayra illa khayruk, c'est-à-dire, il n'y a pas de bien si ce n'est le tien. Et il n'y a que toi qui peux l'accorder. Wala tayra illa tayruk. Et les oiseaux ne sont que les tiens. Ils n'amènent ni le mauvais présage, ni le bien. Ou bien, il n'y a pas de présage, si ce n'est ce que tu as décrété. Wala ila ghayruk. La ma'bouda bi haqqin illa Allah. Nulle divinité ne mérite véritablement d'être adorée. Voilà, si ce n'est toi. La ilaha ghayruk. Nulle divinité ne mérite véritablement d'être adorée si ce n'est toi. C'est-à-dire que tu rejettes le droit à l'adoration pour tout autre qu'Allah, puis tu affirmes que le seul qui mérite d'être adoré, et Allah subhanahu wa ta'ala. L'auteur a cité ce hadith dans ce chapitre car on y voit la définition de tiara al-shirkiya. On tire de ce hadith que tiara entre dans le shirk et que celui dont la vision ou ce qu'il a entendu n'empêche pas de faire ce qu'il avait entrepris ou voulu faire, ceci n'entre pas dans le shirk. Et on tire de ce hadith également que tout revient à Allah Azza wa Jal. Et pour conclure, وله من حديث الفضل من حديث الفضل ابن عباس رضي الله عنهما إنما طيرة ما أمضاك وردك. وله, c'est-à-dire l'imam Ahmed, donc, et aussi auprès de lui, c'est-à-dire l'imam Ahmed, d'après Al-Fadl ibn Abbas. Al-Fadl, c'est le fils d'Al-Abbas, c'est le frère de Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu. Al-Abbas, c'est l'oncle du prophète sallam, que le radiallahu anhuma, qu'Allah les agrée tous deux. Donc il nous dit innama tiyaratu man dhaka wa raddak, l'augure est ce qui t'encourage à mener à bien ton projet ou t'en dissuade. Donc si ça ne t'affecte pas dans le fait de faire ou ne pas faire, tu n'es pas tombé dans ce grave péché. Na'am. L'auteur a cité ce hadith dans ce chapitre car on y voit encore une fois dhabitu tiyara. Quand est-ce que la personne est tombée dans le shirk concernant la tiyara? Ce hadith a une faiblesse. Ce hadith a une faiblesse. Il y a un inqita'. Et il y a une personne qui est da'ifa également. Voilà pour ce chapitre. C'est un chapitre qui est important particulièrement à notre époque car peu sont les gens qui expliquent cela et qui mettent en garde contre cela. Donc l'étudiant doit accorder de l'importance à chaque chapitre du shirk, par et tout particulièrement les domaines dans lesquels les gens sont distraits. Les domaines dans lesquels les gens sont distraits. À l'école, tu trouves les gens qui font de longues études. Ils sont censés être intelligents. Pourtant, tu vois que l'un d'entre eux, lorsqu'il marche en chemin, s'il voit une échelle, il évite de passer sous l'échelle et il passe sur le côté. Ça, c'est du shirk. Ou bien, Mada, tu entends l'enseignant qui dit quoi? Il s'est levé du pied gauche. Eshad al-Kalam. Les paroles de Mouchriki. Hein? L'enfant est en colère et son père lui dit: tu t'es levé du pied gauche? Il s'est levé du pied gauche ou même il s'est levé sur ses mains. Hein? En quoi ça lui apporte le bien ou ça lui repousse le mal? Hada kalam fari. Ou bien ouvrir un parapluie dans une maison. Regardez les uqoul des mushrikoun. Hein? Et mushrikoun, quand tu tombes dans le shirk, ton aql, on dirait qu'il se divise. Ta raison se divise. Jusqu'à disparaître. Soufaha sont des gens qui ont perdu la raison. Comment est-ce que tu pourrais croire que d'ouvrir un parapluie chez toi pourrait t'amener le malheur? Subhanallah, un muslim mouahid de 3 ans, il joue avec le parapluie, il casse le parapluie, wala yakhaf, il n'a peur de rien. Un adulte mushrik, si son enfant ouvre le parapluie, peut-être qu'il le frappe. Parce qu'il a amené le malheur dans la famille, il a amené je ne sais pas quoi d'autre. Ils ont quoi encore? Le vendredi 13. Lorsque c'est le vendredi 13, ils parlent tous de cela. Et ils attendent le malheur. Ils attendent le problème du jour. Leur problème, c'est shirk billah. Pourquoi est-ce qu'ils attendent? Hein? Quoi encore? Il y a quoi comme exemple? Le fait de briser un miroir. Allahu Akbar. Et Anis, si tu brises un miroir, ça te ramène le malheur. Hakada? 7 ans de malheur. Allahu Akbar. Wallah, le mushrikoun soufaha. Yani, comment ça? Yani, si tu viens, Tu casses un miroir volontairement? Qui casse un miroir volontairement? Ah, même involontairement, il n'y a pas le uzb al jahl chez eux. D'accord. Naam. Donc si tu casses un miroir pendant 7 ans, tu es dans le malheur. Allahu Akbar. Subhanallah. Moi j'ai cassé un miroir avec le frère Sadiq, Allah yuslihu. Quand on a fait des travaux, on n'a pas trouvé ces malheurs qu'ils disent. Hein? On n'a pas trouvé ces malheurs qu'ils disent. Subhanallah. Un miroir, casser un miroir. Ça, j'ai dû l'oublier parce que c'est tellement bête que j'aurais. C'est sûr que je l'ai déjà entendu. Les hindous, quand ils voyaient une vache sur la route, eh. Ah, celle-là, elle est encore plus subtile. Les hindous, lorsqu'il y a une vache qui passe, ils s'arrêtent. On doit s'immobiliser. D'accord? Sinon, ça ramène des problèmes. Car, en plus de cela, c'est une divinité, donc il faut la respecter et j'en passe. Allah, ajaib, ajaib. Ça, c'est un cours sur la bêtise. Hein? C'est un cours sur la bêtise. Non. C'est une sandale à l'envers? Là, j'ai jamais entendu. C'est dans quel pays ça? Vous avez peur de le dire ou quoi? Au Maghreb? Le petit, il n'a pas eu peur de le dire. C'est où? Nous, on dit tous les pays. Il y a fait mouchkila. Où il y a ça? Dans les pays arabes? Non. Au Mali, il y a ça? Allah, c'est le hukm. Il a fait le Mali. Au Maroc, il y a ça. Yanni, comment ça? Je ne comprends pas. S'il y a une sandale retournée, il y a une sandale par terre comme ça? Il faut la remettre à l'endroit. J'ai pas compris, ça c'est pas possible ça. Une femme elle va chez le juge pour dénoncer son mari qui fait les voies de qualité, elle tourne son sandal pour dire ça. Et c'est énorme devant les gens. Ça c'est une kinaya. Mais est-ce que si la sandale, on ne la retourne pas, ils ont comme croyance que ça amène un mal ou pas? Non, pas le mal, c'est juste elle... Dans le, pas, vers chez eux apparemment oui. Allah ya ajaib. Aïwa, naam, il y a ça aussi. Quand on était petit, les gens ils disaient repasse. Hein? La personne qui est allongée, si tu passes au-dessus d'elle, tu l'enjambes. Faut que tu repasses. Si tu repasses pas, c'est un mal, il y a un malheur, il y a quelque chose. Ça, je me souviens ça. La bêtise. La colombe. J'ai pas le souvenir, yani, de cette ad. Hein? Mais ils disent que ça amène du bonheur et des choses comme ça. Le chat noir, ma'arouf, comment j'ai pu oublier ça? Le chat noir. D'accord? Ils disent quoi quand il y a un chat noir? Ça porte malheur. Aïe, ouais. Il faut cracher 3 fois par terre. Vous savez ça ou pas? Yani, c'est le moustawa des aoulad. C'est le niveau des aoulad qu'ils n'ont pas reçu cette tarbiya de yani islamiyya. Hein? Subhanallah, il perd de la salive parce qu'il a croisé un chat. On était qui nous faisait quoi? Aïe, ouais, les vœux aussi. Ils sont tout plein de ça, les Français. Sahih? Si tu cherches une fleur, un trèfle, vous connaissez ça ou pas? Tu cherches une fleur et il n'y en a pas beaucoup avec 4 fleurs, si ça existe. Et au moment où tu trouves ça, ben, tu peux faire un vœu, ça marche, sûr. Ils font perdre le temps aux enfants. Les étoiles filantes. Ils font un vœu aussi quand il y a une étoile filante. Ah ouais, c'est vrai ça aussi, ils disent ça. Ouais. Bah, qu'ils gardent leur bonheur pour eux. Et ils disent, le frère a dit qu'ils disent que le pigeon blanc, c'est ça? Même pas blanc. Le mada, le pigeon, s'il... fait ses besoins sur la personne, ben ça porte bonheur. Ben on leur laisse ce bonheur-là. Ah, c'est des musulmans qui disent ça. Allahu Akbar. Ça doit être que lui, je pense. C'est pas une ada, ça. Le pain qui est retourné, mais le pain, il a un sens. Ajaib. Chez nous, le pain, il n'a pas de sens. Tu le manges comme ça, comme tu veux. Allah musta'an. Aïwa, ahsant, barakallahu fik. Ils disent que quand tu touches du bois, ça repousse le mal. Ou bien ça préserve ton bien. Yani, t'arrive une bonne nouvelle, tu dis je touche du bois. Ah non, c'est, j'ai plus de, je sais plus quoi dire. À la kulli hal, il faut étudier le tawhid, les frères, et expliquer aux gens que ça c'est batil. L'enfant, tu le prends tout petit. Tu lui dis, il n'y a que Allah qui ramène le bien, il n'y a que Allah qui repousse le mal. Tu l'éduques sur ça, tu lui donnes les exemples qui sont dans le mujtama' dans lequel tu vis. Puis lorsque l'enfant entendra ça, il dira hada batil. D'accord, il dira hada batil, ça c'est faux. Et ça n'a aucune part de vérité, et ainsi de suite. D'accord? Naam, les étoiles filantes. On l'a dit. Il y a quoi encore? Sur Paris, il y a un pont où il y a beaucoup de... De cadenas? Kif. Moi, je déteste Paris, donc je comprends pas trop ce que tu me racontes. Donc, sur Paris, il y a un pont connu où il y a des cadenas. Des cadenas comme tu m'as une valise. Une... Les couples viennent sur le pont pour solidifier leur couple, cadenasser leur couple. Allah Azzawajal. Et s'ils viennent sur ce pont-là et ils jettent une, ils représentent le cadenas avec leurs doigts, on va dire, et ils jettent quoi? Ils jettent la clé? Ah, c'est trop compliqué le chiffre, les frères, pour moi. Hey, ouais. Ah, un vrai cadenas, ils le font. Soufah, là, Allah, Hajib. Ah, ils achètent en plus un cadenas. Un vrai cadenas, ils cadenassent la chose et ils jettent la clé dans l'eau. Wallahi. Nous, chez nous, on fait ça à l'istikhara. On fait le wudu, on fait ça à l'istikhara, on fait ça. Hein? Et ensuite, on fait le dua qu'Allah Azza wa Jalla ramène le bonheur. Tu fais un bon choix, Inch'Allah, ta'ish sa'id. Et quand tu ne vis pas heureux, c'est parce que tu as beaucoup de zunou. Fais taubat, ça revient, Inch'Allah. Un cadenas, pas de cadenas, tu vas sur un pont, tu vas à Paris. T'es en France, c'est un problème déjà. Alors, aller à Paris, subhanallah. Ah, ouais. Si cette chose, quand tu fais ça, si cette chose se réalise, tu ne seras pas déçu. Allah Azza wa Jal te facilitera le bien. Alors là, la petite fille nous a amené le pont, donc sur Maza, en photo, le pont des. Comment on appelle ce pont? Le pont des cadenas. D'accord? Et subhanallah al-azim, et tu ne vois plus le côté du pont tellement qu'il y a de cadenas. Les gens viennent de loin pour aller à ce pont-là. Ah, du monde! Wallah, il shirk, ça rend les gens bêtes, wallah. Ajaib, c'est la première fois que j'entends ça. Barakallah fik, Allah hafadk. Ajaib, wallah, ajaib. Vous avez d'autres exemples? Là, je viens de voir un article là. J'entends dire, quand ta main droite te gratte, là, là, tu vas perdre ton bien. C'est lui qui a la main droite qui le gratte. C'est parce qu'on a perdu de l'argent. Ça veut dire qu'il est en train de perdre de l'argent. Voilà, Allah Musta'an. La gauche de la richesse, ça c'est Allah, ça c'est batil. Aïwa, quand quelqu'un attend, ils disent quoi? Quand ton oreille siffle, ça veut dire quoi? Ton oreille, je sais pas s'ils mettent un côté ou l'autre, on est en train de parler de toi. Ou bien si on parle de toi et t'arrives, ils disent ça veut dire que tu vas vivre longtemps. Hein? Si tu marches sur les excréments d'un chien, d'un pied, selon le pied, c'est un bien ou un mal? C'est qu'un mal, hier. C'est qu'un mal. Ils sont comme leurs animaux. Naam. Le fait d'avoir le OK. Le fait d'avoir le OK, quoi? Le OK, bah, c'est-à-dire qu'on parle de toi, on ne peut pas. Ah, Kada, le fait d'avoir le OK? Ça, je ne connaissais pas ça. Les oreilles qui sifflent, là. Le fait de porter? Aïwa, Hassan, barakallahu fik. Ils disent le fait de croiser ses mains, de les mettre sur la tête, c'est un malheur. Chez nous, tu n'avais pas le droit de faire ça. Sahih. mais pas tes mains. Pourquoi? Nous, on était des rebelles. Pourquoi? C'est pas bien. Mais pourquoi c'est pas bien? C'est pas bien. C'est pas bien. D'accord? Aussi, les hommes, ils ne doivent pas marcher dans, manger dans certaines tasses. D'accord? Indana. Tafadali. Le fer à cheval, naam. Ça, c'est chez les Français. Et la queue de quelque chose aussi. De lapin ou madri. Ou la patte de... La patte de quoi? De lapin aussi. Nous, on dit bismillah, on le dhbah. Il n'y a pas de malheur. Inch'Allah. Chez vous, ils disent... Il y a des jours, on ne doit pas se couper les cheveux. Ni de voyager, ni de prendre l'avion. Laver le linge le vendredi. Allahu Akbar. Il y a un... Je vais conclure sur ça. Un ami, d'accord, akhir, inshallah. Comme il y a des enfants et des femmes d'âge, je ne vais pas citer cet exemple. Wa salli Allahumma barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.